Fanny, devant un bureau d'acajou près de la fenêtre d'une riche salle à manger provençale, revoit sa comptabilité. Elle porte des habits de dentelle blanche. Un léger coup de sifflet modulé retentit derrière les volets fermés. Elle est soudain très émue. Elle se lève, va à la fenêtre et se penche pour écouter. Qu'est-ce que c'est? N'aie pas peur, Fanny, c'est moi, c'est Marius. Elle entrouvre les volets. Marius! Oui. C'est toi! Je suis rentré ce soir. J'ai vu mon père, et puis j'ai eu envie de te parler. Enfin, de te dire bonsoir, hein? Marius entre d'un saut par la fenêtre. Tu es seul? Oui. Je m'étais couché, puis j'ai pas pu dormir. Alors je suis parti par la fenêtre de ma chambre, comme autrefois, enfin, comme quand j'étais un petit jeune homme, hein? Il y a un bon moment que je te regarde à travers les volets. Tu vas bien boire un petit verre de quelque chose. Valentin. Et Thomas, il ne boira pas avec nous? Non. Il est couché. Et tu es revenu pour toujours? En principe, je dois partir demain matin. C'est-à-dire dans 2 heures. Ton bateau est revenu? Eh non, il est à Sydney. Nous avons eu des avaries assez graves. Alors on l'a mis en cale sèche. Et puis nous avons rencontré un contre-torpilleur français qui rentrait. Alors comme il y avait des appareils océanographiques à réparer, on les a mis à bord sur le contre-torpilleur avec 3 hommes pour les convoyer. Là, tu comprends, ces appareils, ça ne peut pas se réparer n'importe où. Il faut les renvoyer à Paris, à ceux qui les ont faits. Parce que ça, c'est de la précision, et c'est scientifique. Scientifique en pastis, c'est terrible, quoi. Alors moi, j'ai fait partie de la mission. Pourquoi j'ai demandé? Je me languissais, hein. Je te languissais de revoir ton père. Oui, mon père. Et Marseille. Et tout le monde, quoi. Tout le monde. Mais si je voulais rester, je pourrais, parce que ce me serait très facile de trouver un permutant. Qu'est-ce que c'est un permutant? Eh, quelqu'un qui change sa place pour la mienne. Il y en a beaucoup qui voudraient, parce que sur la Malaisie, nous avons une solde très élevée. Et le service n'est pas dur. Tiens, ici je connais Chauveau. Il m'écrivait souvent. Et moi je lui répondais. Il est à bord de l'île de Beauté, le service de la Corse. Mais il partirait tout de suite. Ça pourrait s'arranger en 8 jours. Parce que... lui, il a cette envie, tu sais. L'envie du loin. Et tu l'as plus, toi, maintenant, cette envie. Oh. Alors tu n'es pas heureux sur la mer. On est toujours heureux quand on est là où on a voulu aller. Si on disait qu'on est malheureux, ça prouverait qu'on a été bien bête, pas vrai? Je suis très heureux, au contraire. Et toi, tu es heureuse? Oui, Marius, j'ai un bon mari. Et une belle maison? Une belle maison. Une belle maison et un bel enfant? Et un bel enfant. Ton père qui te l'a dit? Bah, il vient de me le dire. Je me demande pourquoi il ne me l'a pas écrit plus tôt. Hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit encore, ton père? À propos de quoi? À propos de mon fils? Qu'est-ce que tu voulais qu'il me dise de plus? Parce que c'est ton fils, tu crois que c'est la merveille du monde? Et qu'on ne peut pas arrêter de parler de lui, hein? Mais bien sûr que c'est la merveille du monde. Mais il commence à marcher. Il marche presque tout seul. Déjà? Mon père m'a dit qu'il a 8 mois. Ça marche, les enfants, à 8 mois? Il a un peu plus de 8 mois. Il est très précoce. Ça m'a fait très heureuse. Alors, tout est pour le mieux, pas vrai? Ça me fait plaisir de te voir si contente. Et en si bonne santé. Mais toi aussi, Marius, tu te portes bien. Moi, c'est l'air de la mer. Moi, c'est ma vie tranquille. Ta vie tranquille et ton bonheur. Allez, au revoir, ma petite Fanny. Hein. Au revoir, Marie. En venant de Paris pour t'embarquer, tu repasseras par ici. Eh non, nous partons là-bas par un bateau anglais, l'Australia, un paquebot. C'est bien le bateau anglais, c'est propre. Ça marche. Hein. Alors, fais bien mes amitiés à ton mari, dis-lui que j'ai pas voulu le réveiller, pour pas le déranger. Hein. Donnez-moi. Qu'est-ce que c'est? Oh, madame Panisse, ouvrez mon amiral, il a quelque chose pour vous. Pendant que Marius recule pour n'être pas vu, Fanny ouvre les volets. Chère madame Panisse, je t'apporte ce bouquet de fleurs de la part de ton mari. Comme je sortais du buffet de la gare où nous venions d'assister au banquet du personnel ferroviaire, laisse-moi parler. Je vis soudain Maître Panis qui me mit ce bouquet dans la main et qui me dit, tiens, grand imbécile, porte ce bouquet à ma femme et dis-lui que je n'ai pas manqué le train. Et voilà, c'est fait. Il salue largement et s'en va. Fanny referme la fenêtre. Marius la regarde et sourit.